Il y en a plein qui n'ont pas gravé. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Léonard alias Mathéo, ou Mathéo alias Mathieu Léonard, je ne sais pas dans quel sens ça se dit, ça j'ai jamais compris. Hein. Qui est rédacteur à CQFD, la revue que vous connaissez, qui se trouve pas loin d'ici, qui existe depuis 2003, qui a des gros problèmes financiers, qui sont peut-être en train de se résoudre grâce à un appel à souscription, ils ont demandé des millions d'euros, non 100 000. C'était quand même pas mal. Et vous avez eu, je croyais que c'était à 20 000 déjà. Ouais. Donc Mathéo, il écrit des rubriques dans cette revue. Il écrit dans la revue, dans les rubriques culture, billets, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ou de vous? Les vieux dossiers. Il est l'éditeur, entre guillemets, de l'abrégé du Capital de Karl Marx, qui était déjà paru. Alors, Le Chien Rouge, c'est les éditions de CQFD. Donc, c'est paru en 2008 et ça vient de reparaître en 2013 avec des différences qu'il va nous expliquer. Qu'il va nous expliquer. Il était venu le présenter à l'ancien local, Feu Notre Local. En 2011, il a publié aux éditions La Fabrique. C'est animé par Eric Azan, c'est ça? Oui. C'est le sujet d'aujourd'hui, l'émancipation des travailleurs, une histoire de la Première Internationale entre 1864 et 1872. Et pourquoi Mathéo écrit de tels livres? Parce que j'ai vu que tu étais historien de formation, je te laisse la parole. Oui, alors pas que historien de formation, c'est quand même des sujets qui, c'est pas par le biais ni des études... de ma profession, si j'en ai une, que je me suis intéressé à ces idées-là. C'est aussi par une affinité, je ne sais pas si elle est précoce, mais en tout cas assez lointaine, tout étant relatif, avec l'histoire du mouvement révolutionnaire, l'histoire du mouvement libertaire en particulier. Donc, qu'est-ce qui m'a amené, peut-être en deux mots, à m'intéresser à cette histoire? C'est une histoire qui a été beaucoup étudiée par les historiens. Il y a bientôt 50 ans, il y avait des colloques autour du centenaire de cette Première Internationale. Des colloques qui ont permis d'affiner des connaissances, peut-être de désidéologiser un peu, malgré bien que la période des années 60... était encore riche ou lourde, ça dépend dans quel sens on le voit, de tensions politiques, de combats politiques. En tout cas, il y a des travaux d'historiens qui ont assez bien cerné l'ensemble de la question dans ses détails comme dans son histoire générale. Or, curieusement, depuis, il n'y avait pas de synthèse un peu générale, un peu de vulgarisation, d'approche synthétique à disposition dans l'éventail des livres disponibles. Il y avait bien des travaux au sein de grandes histoires du socialisme, comme le Droz, ou l'histoire de l'anarchisme, Netlo évidemment, enfin les anarchistes, on va y venir tout de suite, ce sont évidemment les historiens anarchistes se sont évidemment intéressés à cette question, comme les historiens marxistes. Alors il y avait des monstruosités comme les ouvrages de Jacques Duclos sur Marx, Bakounine, Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, il s'appelle. Et il a commis aujourd'hui. Il a commis aussi une histoire de la Première Internationale en 64 qui démontrait bien que bon, il avait eu les rapports mais sans savoir qui était qui. Enfin, il n'y avait pas une connaissance profonde. Dans les historiens, bon, c'est toujours. Les historiens ne sont jamais apolitiques, mais il y avait évidemment des historiens marxistes qui avaient fait des premiers travaux assez complets, puisque Marx est quand même central dans cette histoire de Première Internationale. Il y a Riazianov qui s'y est intéressé. Et donc, c'était une période où les tensions commençaient à aller être encore plus vives dans les années 20, évidemment, après la révolution russe. Mais au sein de la social-démocratie, au sein du marxisme russe, on va dire, et au sein de l'héritage anarchiste et des travaux de Netlo, qui est lui évidemment, enfin tout le monde sait qui est Netflix ici, l'Hérodote, surnommé l'Hérodote de l'anarchisme, il y avait des communications pour établir quand même, malgré les camps tranchés, pour établir quand même un semblant de vérité historique, en tout cas d'objectivité dans les faits. Donc, est-ce qu'on est sorti de ces périodes dépassionnées, puisque, en tout cas, voilà, j'ai voulu mener un travail, non pas par rapport à un prisme idéologique, c'est-à-dire un regard déjà affirmé sur ce qu'a été la Première Internationale, ce qu'ont été ces échecs, etc., mais justement, revenir à une forme de récit par la base, par les acteurs eux-mêmes, finalement, parce que si on croit que ce ne sont pas les grands hommes qui font l'histoire, on doit revenir aux témoignages et aux discours, aux paroles, aux actes fondateurs, enfin les pierres, comment les pierres s'assemblent les unes après les autres. Donc j'ai voulu savoir comment cette histoire s'était mise en place. Évidemment, on est obligé de parler des acteurs un peu plus importants, ou en tout cas qui le sont devenus par la suite, qui ont pris des dimensions même incroyables dans le cas de Marx, qui, je le dis tout de suite, à l'époque, était connu de quelques Français, mais finalement d'assez peu de monde, jusqu'à la Commune de Paris. Hein. C'est Maximilien Rubel qui dit que c'est plus la Commune de Paris et son adresse du Conseil Général, connu sous le nom de la guerre civile en France, que le Capital qui a rendu Marx visible, et puis par la suite, évidemment, le conflit avec les bakouninistes, puisque il y a cette dernière phase de l'AIT intégrale, enfin entière, qui, où va se mener ce conflit et cette jusqu'à le congrès de la haie, etc. Mais je vais revenir un peu plus en résumé sur l'histoire et le processus de l'Association internationale des travailleurs. Je disais tout à l'heure qu'il y a évidemment deux idéologies qui peuvent encore aujourd'hui revendiquer cet héritage-là. On ne parle pas des sociodémocrates qui ont, s'ils sont à droite ou s'ils l'ont toujours été. Enfin bon, bref, en tout cas, ils n'ont plus réellement de prise sur leur histoire même et même sur l'histoire sociale. Et il y a, bon, grosso modo schématiquement, les marxistes, plus particulièrement les marxistes qui se revendiquent d'une tradition internationaliste, et évidemment les anarchistes, et plus spécifiquement peut-être les anarcho-syndicalistes, qui ont à cœur de revendiquer cette période et l'organisation et l'Association internationale des travailleurs comme finalement le creuset de leur histoire, de la genèse en quelque sorte des organisations, des mouvements et des mouvements de masse qui vont s'organiser à travers le XXe siècle. Dans le cas des marxistes, il y a évidemment la figure de Marx qui est, pour eux, disons, tutélaire, totémique, à savoir qu'ils pensent, enfin, que l'histoire marxiste et l'histoire anti-marxiste, parce qu'elle est souvent en miroir de l'histoire marxiste, a revendiqué finalement le rôle de dirigeant de Marx au sein de l'Association internationale des travailleurs. Ce qui est loin d'être exact, dans la mesure où les statuts et l'organisation propre, même centrale, de l'AIT ne faisaient pas figurer un rôle exécutif. Enfin, il n'y avait pas dans les statuts de l'international une disposition pour permettre à une telle figure exécutive, à une forme de gouvernement même d'émerger. Ça, effectivement, on peut polémiquer sur la période après la Commune de Paris, mais on va y venir, sur le rôle plus, finalement, là, la volonté, finalement, plus hégémonique de Marx, et dans le conflit avec Bakounine. Pour les anarchistes, il y a cette revendication, effectivement, de, d'une volonté d'auto-organisation du prolétariat, du mouvement ouvrier, et il y a aussi la fascination, ou en tout cas le rôle de Bakounine, qui émerge aussi à ce moment-là sur la scène du mouvement ouvrier, et qui, par le conflit et le conflit idéologique qui va se mener à l'encontre de Marx, va poser finalement un certain nombre de principes de ce qui va constituer le mouvement anarchiste. L'anarchisme, puisque c'était un mot, il y avait un mouvement anarchiste, il y a une tradition anarchiste, je ne vais pas faire un cours sur l'anarchisme ici, mais qui est peut-être éternel d'ailleurs, et qui cette quête de liberté, mais l'anarchisme en tant que mouvement politique, on va dire, va se constituer, et ce qui a été d'ailleurs évoqué et célébré cet été à Saint-Imier, sur la scission de l'Association internationale des travailleurs, puisqu'après le congrès de la Haye, la tendance anti-autoritaire regroupée autour de la fédération jurassienne, c'est-à-dire des Suisses, d'une partie des Suisses internationalistes, internationaux, va décider en congrès une rupture avec le Conseil général de Londres, qui jusque-là servait en quelque sorte de pôle fédérateur, mais qui avait marqué à ce moment-là une volonté plus hégémonique, comme j'ai dit. Alors, résumons un peu cette histoire, ces jalons. En fait, c'est une conjonction de plusieurs facteurs, rien ne surgit ex nihilo. Est-ce que c'est ni la décision de quelques esprits plus éclairés, ni et plus brillants que les autres, ni une totale spontanéité de la part du mouvement ouvrier. Il y a une rencontre, des choses qui se mettent en place depuis, on va dire, le premier quart, depuis la révolte des Canuts, en gros. Il y a, chez les ouvriers lyonnais, après la répression des Canuts, les premiers journaux ouvriers qui paraissent et qui lancent des invitations comme ça aux ouvriers belges, aux ouvriers anglais, qui eux-mêmes sont dans une problématique de création des trade unions, et donc qui sont un peu, à cette époque-là, la locomotive, finalement, du syndicalisme, ou du proto-syndicalisme. Et donc, il y a ces invitations qui ont lieu à travers des journaux, à travers certaines personnalités, à travers des moments aussi de grève, ou des moments de revendication de droits politiques ou sociaux. Donc, ce qui concerne spécifiquement la cause ouvrière, il y a des choses qui se font un peu en dehors des cercles ouvriers, parce qu'il y a une personnalité comme Flora Tristan, dans les années peu avant 1848, qui appelle à l'Union ouvrière aussi, qui, dans un texte qui s'appelle l'Union ouvrière, parle déjà de l'affranchissement. Je crois que c'est peut-être elle qui a qui peut revendiquer la maternité, on va dire ça comme ça, la maternité de la formule. L'affranchissement des travailleurs viendra des travailleurs eux-mêmes, qui sera reprise après. Donc il y a dans ces années 30-40, de toute façon, là aussi un brassage, une ébullition. Évidemment, il y a des moments, des tragédies ouvrières, hein, dans les années 30, et puis les journées de juin 1848, qui font que la nécessité d'organisation se pose de plus en plus urgemment à ce moment-là, mais dans le feu de toutes ces actions-là, et dans le feu finalement, et suite à la répression de 1848, c'est quasiment impossible, puisqu'il y a une période de 1848 à 64, en gros, où évidemment le mouvement ouvrier est extrêmement surveillé, extrêmement, il a très peu de possibilités d'organisation. Le droit à la coalition ouvrière est interdit depuis la loi Chapelier en France en 1791, c'est interdit en Allemagne. Seule l'Angleterre, qui est le phare du capitalisme, a cédé, parce que au prix de lutte, hein, c'est pas par philanthropie, mais c'est parce que les chartistes et les trade unions ont mené des luttes parfois violentes, hein, dans le premier quart du 19e siècle, enfin. Et donc ont accède de plus en plus à une forme de droits politiques et sociaux, et continuent finalement à se battre pour ses droits politiques et sociaux. Hein, chez les Anglais, c'est la revendication de la journée de 9 heures, l'élargissement du droit de vote, c'est-à-dire un droit de vote universel plutôt qu'un droit de vote censitaire. Donc tout ça est un peu mélangé. Ça, c'est l'aspect politique et social, enfin, social principalement. Il y a aussi, je reviendrai sur la France, hein, qui est un cas particulier, il y a aussi l'aspect plus, on va dire, international. Il y a dans cette période-là, hein, cette période, mais qui court depuis la Révolution française jusqu'à 1848, il y a une possibilité d'agir et d'être concerné, finalement, de se conscientiser sur les questions internationales. Alors, pour les Anglais, je voudrais juste citer un phénomène un peu avant-coureur. Pendant la Révolution française, il y a eu la création d'une London Corresponding Society autour d'un cordonnier qui s'appelle Thomas Harris. On verra que ces secteurs, cordonniers, de tailleurs, évidemment les vieux secteurs du prolétariat artisanal, qui n'est pas le prolétariat encore mécanisé, industriel, sont les fers de lance de ces idées-là. Évidemment, l'imprimerie, à fortiori. Et donc, il y a cette London Corresponding Society de Thomas Harris qui essaie de fédérer plusieurs dizaines de milliers de correspondants à travers l'Angleterre pour soutenir la Révolution française. Hein. Le jacobinisme, en gros, semble être la tendance la plus on va dire radicale aux yeux des Anglais, donc ils revendiquent leur soutien au jacobinisme, alors que l'Angleterre, évidemment, mène une politique contre-révolutionnaire, enfin, est vraiment l'ennemi, un ennemi déclaré de la Révolution française. Donc il y a cette tradition chez les Anglais qui va se retrouver tout autour du 19e siècle, peut-être jusqu'à la Commune de Paris, et Commune de Paris, on verra, a marqué un point d'arrêt sur le soutien des Anglais, parce qu'ils ont eu peur un peu de la Commune de Paris, et on va dire que les traits d'union sont bourgeoisés au fur et à mesure, mais en tout cas, ils soutiennent aussi au milieu du 19e siècle les luttes d'émancipation nationale, notamment la question polonaise, qui en 63, enfin à suite à une insurrection en 63, à Varsovie, les nationalistes, enfin on pourrait dire pour pas confondre avec le nationalisme, même si c'est pas forcément distinct, en tout cas les meneurs d'une insurrection nationale à Varsovie sont réprimés par l'armée russe et plusieurs proscrits s'exilent, notamment en Angleterre, qui là aussi bénéficie d'un climat politique un peu plus libéral que le reste de l'Europe, hein, l'Angleterre et la Suisse. C'est pour ça qu'on verra que Londres et Genève sont quand même des endroits où peuvent s'agréger des révolutionnaires, pour faire vite. Et en tout cas, voilà, on connaît certaines figures comme ça, et on en verra pendant la Commune de Paris, donc ce qui est d'autres, de Polonais qui témoignent de la répression qu'ils ont subie, et qui alimentent finalement une fibre oppositionnelle, sinon révolutionnaire, au système en place, notamment en Europe centrale et en la Russie tsariste, qui constitue par essence au XIXe siècle l'ennemi absolu, la réaction incarnée. Ces gens, les ouvriers anglais les soutiennent et créent des meetings en la faveur de l'insurrection polonaise, des Italiens, on célèbre les patriotes italiens comme Garibaldi, etc. Donc il y a cette fibre internationaliste, on va dire, qui pour le coup est internationaliste, c'est-à-dire concernée par les problèmes nationaux, de libération nationale, etc., va se conjuguer avec une fibre plus ouvrière, qui pour le coup n'est pas vraiment internationaliste, et transnationaliste, puisque si on décrète que les ouvriers n'ont pas de patrie, on fait fi finalement des frontières et de la nation, et on se concentre sur la question sociale. Donc il y a quand même ces tendances comme ça qui se conjuguent au début dans une espèce de je dirais pas une soupe, mais en tout cas de mélange bienveillant, parce que les meetings organisés par les trades unions anglaises suscitent beaucoup d'enthousiasme. Hein. C'est une libération de parole, c'est une façon de penser le monde, etc. Donc on a vu ça, ce rôle des trade unionistes, ces appels des ouvriers à Lyon, ces appels de Flora Tristan à constituer des correspondances, à constituer une union ouvrière, cette volonté finalement d'unir les forces du prolétariat, parce que c'est le moment effectivement où le prolétariat peut prendre conscience de sa force numérique, face à l'organisation capitaliste, à la révolution industrielle qui lui impose des conditions abominables de travail et d'existence. Donc il y a ce mélange des choses, et puis il y a aussi, on va quand même en parler, ces figures un peu intellectuelles, on va dire, qui ne sont pas spécifiquement des ouvriers. Alors il y a eu plusieurs tentatives de correspondance entre les socialistes et des républicains, des démocrates, et des socialistes entre eux, puisque Marx avait proposé de correspondre avec Proudhon à un moment, et Proudhon lui avait dit, si c'est pour imposer finalement un modèle idéologique, c'est pas la peine, il faut laisser à la classe ouvrière le soin de fixer elle-même son programme, finalement. Ce qui avait donné sans doute une des premières acrimonies, des premiers litiges entre Marx et Proudhon, qui s'était vengé immédiatement avec Misère de la philosophie. Enfin bon, en tout cas, il y a ces discussions, il y a ces tentatives de relier les penseurs socialistes ou communistes, dans le cas des Allemands, puisque en 1848, il y a la Ligue des communistes, qui là aussi va se confronter à la répression et va disséminer un peu ses cerveaux ou ses partisans à travers l'Europe, puisqu'on en retrouvera à Genève, on en retrouvera à Londres, bien évidemment. Alors c'est à l'occasion, enchaînons directement à la fondation de cette AIT, c'est à l'occasion d'une... je vais parler les Français tout de suite. C'est vrai que j'ai tendance à... c'est peut-être mon internationaliste qui me pousse à les mettre en dernier, mais... En tout cas, voilà, il y a cette invitation des Anglais à célébrer la cause polonaise, qui va servir de prétexte à une autre invitation, donc le 24 septembre 1864, qui marquera la pierre fondatrice, finalement, de l'Association internationale des travailleurs, où l'on retrouve, effectivement, trois composantes au départ d'influence, on va dire. Il y a les trade unionistes, notamment des leaders qu'on appelle la junta, des leaders des trade unions qui ont mené des grèves et donc qui se sont fait finalement une réputation assez solide de leaders ouvriers importants. Il y a des proscrits, des Allemands, des communistes allemands, dont Marx, qui est présent à ce meeting fondateur, mais qui ne prend pas la parole. Il est invité par un franco-anglais, le Lubès, qui lui propose de participer à ce meeting. Mais Marx lui-même préfère mettre en avant un ami à lui, Écarius, qui est, je crois, qui est cordonnier ou tailleur, en tout cas qui... Marx le sent plus légitime pour représenter finalement les ouvriers dans un meeting. Dans celui-là, donc il dira après qu'il a senti, il dira à son ami Engels, qu'il a senti que se mettait en marche quelque chose d'une puissance, quelque chose de puissant, mais qu'il avait préféré rester en retrait, ne pas prendre la parole. Et c'est ce qu'il fera finalement jusqu'à la Commune de Paris, même s'il écrit des rapports, même s'il écrit des correspondances avec Engels qui marquent, qui révèle sa façon de penser tout au cours de cette période. Mais en tout cas, dans la première partie, finalement, de l'histoire de l'internationale, la première internationale, il agira ou il écrira en coulisses, principalement. Et il y a les Français. Donc les Français qui, à cette période du Second Empire, qu'on appelle l'Empire libéral, peuvent à nouveau, finalement, établir... Des formes d'organisation, c'est-à-dire que en 65, alors un peu après finalement, mais en 65, le Second Empire libéralise le droit de colonisation, enfin libère le droit de coalition, et ça sera un peu le même cas en Allemagne, ce qui fait qu'à nouveau, les ouvriers peuvent s'organiser dans des formes de corporation, de coalition ouvrière. C'est un peu un droit syndical, avec la spécification comme ça, qu'il est interdit, on leur donne un droit syndical, mais avec sans pouvoir s'en servir, finalement. Et ce qui sera le cas assez longtemps. C'est le droit de s'organiser, mais pas le droit d'exercer réellement ce droit. Donc c'est un paradoxe. Et donc ces ouvriers sont dragués à l'époque par une tendance ouvriériste au sein du Second Empire, qui cherche à ramener les ouvriers dans le giron de l'empereur, parce que les ouvriers, depuis les ouvriers parisiens, notamment depuis le massacre de juin 48, se méfient des discours des républicains. Jules Vallès cite un gars des faubourgs Saint-Antoine qui dit la sociale et Marianne sont devenus des ennemis, finalement. Ce qui ne veut pas dire que la fibre républicaine, au sens large, n'existe pas chez les ouvriers, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des monarchistes ou qu'ils sont devenus des bonapartistes, mais en tout cas, ils se méfient effectivement des discours républicains et des figures des républicains qui les ont trahis en 48. Donc, l'Empire croit pouvoir jouer une carte de ce côté-là, ce qui fait qu'ils organisent l'Empire, enfin le prince Jérôme Napoléon, organise une visite en 62, deux ans avant la fondation de l'Internationale, à l'exposition universelle de Londres, pour admirer les merveilles de l'industrie. Sauf que déjà à l'époque, le petit groupe qui est chapeauté par Henri-Louis Tollin, qui a un rôle très très déterminant à ce moment-là, qui est un proudhonien, s'intéresse plus finalement aux à côté. Ça t'arrive plus à la classe ouvrière plutôt qu'aux machines. Quoi. Et c'est déjà là où se crée un contact, finalement, sans doute, entre les trade unionistes et ce groupe de mutualistes parisiens, au départ, mené par Tollin. Tollin a également contribué à la publication d'un manifeste en 64. Et il est proche de Proudhon, le dernier livre de Proudhon, les capacités de la classe ouvrière, est inspiré en tout cas, est très lié à cette émergence de ces figures-là, qui vont constituer le premier bureau de l'International à Paris. Donc immédiatement, il y a cette influence des mutualistes parisiens, proudhoniens. Il y a une influence francophone qui va être majoritaire jusqu'au congrès de Bâle, je pense, et notamment une influence directement liée à la pensée de Proudhon, au mode de Proudhon, mais pas que, puisque ça s'exprime sur la revendication d'un mode d'organisation corporatif, c'est-à-dire que les ouvriers doivent eux-mêmes créer. Doivent saisir l'outil productif pour créer eux-mêmes. Et l'outil productif et consommatif, un adjectif pour ça, consommatif, pour créer même les conditions de leur émancipation. Donc il y a cette idée un peu schématique, c'est cette auto-organisation plus que le combat politique par les urnes ou par la prise de l'État qui doit être le moteur finalement de l'auto-organisation et finalement de l'émancipation des ouvriers. Donc c'est une tendance forte qui, peu à peu, va se trouver confrontée à l'émergence de principes plus collectivistes. C'est-à-dire qu'il y a chez ces proudhoniens une volonté de rester légitime. Ce qui fait que là, au départ, l'International n'effraie pas. N'effraie pas le bourgeois, j'aurais tendance à dire. Elle est les philanthropes bourgeois trouvent plutôt ça bien que les ouvriers cherchent à échanger des idées et pensent même que ça va les amener à comprendre la problématique du capitalisme, finalement à devenir eux-mêmes des acteurs, des coopérateurs dans ce sens-là du capitalisme, à se montrer plus coopérants avec les besoins de la machine industrielle. Donc il n'y a pas une réelle crainte de la part de la bourgeoisie, tant que ça reste des débats effectivement sur des modes d'organisation coopératifs. Par contre, dès lors que des éléments qu'on qualifiera de collectivistes entrent dans les débats, et notamment à partir de Bruxelles, du congrès de Bruxelles en 68, il y a, j'ai perdu une bêtise, mais 68 ou 67, enfin bref. En tout cas, cet élément collectiviste va évidemment poser la question de la propriété, et la propriété des moyens, non seulement des moyens de production, mais aussi la propriété du sol. Donc ça va donner lieu à plusieurs échanges et une première confrontation entre en gros des gens qui sont sur un mode coopératif mutualiste pur et des ouvriers qui sont plus sur, enfin dans les deux cas ce sont des ouvriers, plus sur un principe collectiviste. Et au sein de ces principes collectivistes va se scinder deux tendances également, ceux qui préconisent une prise de possession finalement par les ouvriers eux-mêmes à la base à travers des modes productifs liés à la commune, c'est-à-dire les modes de production liés à comment dire non pas chapeautés finalement par l'État mais liés proprement aux ouvriers qui font tourner les machines. Voilà, donc il y a une opposition entre étatiste et anti-étatique, déjà au sein de... Même si parler déjà de marxisme ou d'anarchisme, c'est ce que j'essaie peut-être de montrer dans mon livre, à ce moment-là, et un peu résumer les choses, finalement. C'est peut-être même un peu anachronique. Il n'y a pas une idéologie marxiste constituée, il n'y a pas une idéologie anarchiste constituée. Elle s'élabore à travers ces débats, elle se confronte, mais je pense qu'à ce moment-là, on peut pas parler strictement d'anarchistes ou de. Parmi les collectivistes, il y a des collectivistes qui vont se revendiquer anti-autoritaires, c'est le cas de Benoît Malon, c'est le cas de Eugène Varlin, qui vont s'opposer de ce fait aux proudhoniens strictement mutualistes, qui refusent finalement certains éléments de la lutte des classes et qui refusent les principes collectivistes. Ces premiers proudhoniens, comme Tolin, Fribourg, etc. Alors qu'on ne peut pas dire que Varlin n'ait pas été inspiré par Proudhon, tout le monde a été inspiré par Proudhon à ce moment-là, sans le lire complètement. Proudhon a aussi des dimensions un peu paradoxales, donc il ne faut pas le prendre comme un bloc, mais son influence est réelle. Mais en tout cas, sur les principes, sur la question de la lutte des classes, des grèves notamment, et sur la question de la propriété du sol et des moyens de production, il y a une opposition qui se fait dans un camp qui n'est pas étatiste. Je peux te poser une question, parce qu'il y a une dizaine d'années, on avait fait venir l'auteur de ce livre-là, ça remonte à longtemps, et j'ai un souvenir qu'il y avait, lui, il parlait de deux tendances, des fourriéristes, et qu'il y avait des fourriéristes aussi. Je ne sais pas si c'est la même époque... des fourriéristes et des proudhoniens avant qu'on parle de marxistes. Et c'était plutôt, et c'est ça que j'avais retenu, c'est un truc qu'on n'avait pas en tête. Alors est-ce que ça, tu peux le confirmer? Michel Cordillo, il s'est beaucoup intéressé au premier bureau de ce qui s'appelait la première commission de la section internationale française, parisienne. Et donc à ces gens-là, comme Tolin, Varlin est un des premiers. Comme Malon, Benoît Malon, un dénommé Limousin qui lui est fourriériste, par exemple. Varlin aussi est très influencé par les fourriers. Mais après, ce sont des gens qui effectivement sont nourris de ce qu'on appelle soit les socialistes utopiques et puis de tout, enfin évidemment Fourier, etc. Et Proudhon de l'autre côté, qui lui est plutôt un organisateur, enfin qui est plus organisatrice que utopique, même si le mot, enfin, on pourrait en discuter des heures, mais Mais ces gens-là, une des contradictions qui va se poser à eux, c'est effectivement l'implication dans l'aide des classes, puisque à mesure que les coalitions ouvrières peuvent s'organiser, elles peuvent aussi revendiquer et mener des grèves. Donc il y a, je dirais, ce premier clivage idéologique entre un vieux modèle un peu très intellectuel finalement des ouvriers proudhoniens, un nouveau modèle plus engagé politiquement, plus collectiviste, plus finalement radical d'une certaine façon, et ces situations de grève qui font que l'international doit se positionner par rapport aux grèves et doit s'impliquer dans les grèves. C'est là où, je pense, l'international prend une dimension qui, par la suite, va être surévaluée, hein, parce qu'elle va devenir une espèce de spectre aux yeux des puissants, et etc. On va la considérer plus grosse qu'elle ne l'est, mais elle prend réellement cette espèce de dimension d'intersyndical, comment dire, oui, une espèce d'intersyndical international, enfin voilà, qui permet à un moment une coïncidence, à faire coïncider à la fois les idées de ces internationaux qui se réunissent, qui font des congrès, etc., et le mouvement réel de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'à un moment, un mineur de Gardanne, il entend parler des typographes de Barcelone qui lui viennent en aide, qui donne dans la caisse de résistance de grève, finalement, qui soutient sa grève. Il entendra parler des ouvriers du bâtiment de Genève, il entendra parler des ouvriers bronziers de Paris, il entendra parler voilà, des rubaniers de Bâle, etc. Donc il y a effectivement dans l'imaginaire, est-ce que c'est, enfin en tout cas plus que dans l'imaginaire, puisque ce sont des pratiques concrètes hein, de soutien, d'alimenter les caisses de grève, mais aussi dans l'imaginaire, je pense, et dans l'imaginaire du coup des ennemis des ouvriers, enfin des capitalistes, il y a cette idée que finalement se fédère comme ça quelque chose internationalement qui n'est pas propre à une organisation, à une volonté politique, encore une fois, à un gouvernement occulte dont Marx ou Bakounine seraient les démiurges, ou les... mais réellement à une pratique comme ça de solidarité finalement, qui répond aux intérêts immédiats finalement des ouvriers dans la grève, aux intérêts immédiats des ouvriers aussi dans une grève, parce que la grève les met aussi en conflit entre eux, puisque souvent à cette même époque, une grève des rails en Angleterre, ou non, je ne sais plus c'était quoi, mais en tout cas il y a une grève en Angleterre, on menace de faire venir des ouvriers belges. Alors est-ce que l'international a vraiment joué dans ces cas-là? En tout cas, elle a permis des discussions, et c'est pareil à Gardanne, autour de Gardanne, à Fuseau, il y a Fuveau, il y a effectivement, on appelle les ouvriers italiens. Et à ce moment-là, il y a, c'est là où se crée d'ailleurs la première section marseillaise, je crois, de l'international, où des discussions ont lieu Donc il y a ces questions pratiques qui se posent évidemment au sein de la classe ouvrière, qui les met en face de situations de concurrence où on veut mener la guerre des travailleurs entre eux, la concurrence des travailleurs entre eux, etc. Et l'international apporte des éléments de réponse à ce moment-là. Est-ce qu'elle a la puissance pour le faire réellement? Évidemment, il y a eu une cassure juste après, à partir de la guerre franco-prussienne en 70, qui va évidemment... mais le mouvement s'était déjà essoufflé, mais qui va même mettre un frein à cette pratique de solidarité qui peut évidemment se révéler extrêmement dangereuse pour les capitalistes. C'est aussi le moment où il y a un passage finalement, parce que les protagonistes de l'Association internationale des travailleurs sont presque tous des gens issus de ce que j'appelais tout à l'heure le mouvement ouvrier traditionnel, c'est-à-dire celui qui est qui a été moins confronté avec la mécanisation, qui est le moins industriel finalement. C'est encore des artisans, c'est des gens qui sont dans des ateliers. Finalement, ils sont entre les artisans et les prolétaires. Ils ont encore un métier finalement. Et donc, là aussi, ces ouvriers-là ont, vont être confrontés à des nouvelles formes de grève, notamment dans les secteurs industriels en pointe, le textile, les mines, la sidérurgie. Hein. On a l'image de Germinal, mais Germinal, c'est cette période-là, c'est cette période où, et d'ailleurs Zola parle de l'international, de la menace que peut représenter l'international, des idées que propage la soi-disant l'international au sein des ouvriers à ce moment-là. Donc il y a ces grèves qui ne sont pas le fait de l'international. La bourgeoisie, la presse bourgeoise prétendra que finalement tout ça est instrumentalisé, hein, les patrons aussi, parce que ça les arrange de se dire que c'est une main invisible, là pour le coup. Pas celle du marché, mais celle de force venue de l'étranger. Que ce soit un juif allemand ou que ce soit un aristocrate russe, ça les arrange bien finalement. Mais au contraire, ces grèves-là sont liées aux conditions d'existence, tout simplement, à la lutte des classes la plus immédiate et la plus éclatante finalement. Mais les internationaux vont s'impliquer évidemment dans ces luttes, vont être sûrement des moteurs d'organisation. Hein, quelqu'un comme Varlin en France ou Malon à cette période-là, hein, de 67 à 70, sont des gens qui vont sur place, qui ont des journaux, qui discutent, qui indiquent aux ouvriers, parce qu'un ouvrier qui travaille comme une bête de somme n'a pas forcément le temps, l'idée, etc., de savoir comment s'organiser et de donc ces gens-là sont quand même des indicateurs et des éléments d'organisation très, très importants dans ce qui va constituer les premiers syndicats, enfin, etc. Donc il y a une importance, il y a ce moment charnière, etc. Il y a aussi le fait que eux-mêmes sont dépassés à ce moment-là par les grèves, par l'importance des grèves, et ne peuvent pas se suppléer financièrement à toutes les grèves. Et il y a même... le journal L'Égalité, hein, qui à l'époque, dans sa première période, aux mains des amis de Bakounine, il y a Robin dedans, etc., il y a Paul Robin, propose d'organiser un peu toutes ces grèves-là, finalement, de dire on ne peut pas déclencher simultanément 20 grèves parce que tous ceux qui peuvent aider ces grèves-là ne pourront pas y pourvoir, ils ne pourront pas venir en aide aux caisses de solidarité. Donc il y a réellement, c'est ça qui est touchant finalement dans l'histoire de l'international. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché. Il y a une force d'inventivité qui se fait au contact des réalités sociales de l'époque. Et c'est pas du tout des principes dogmatiques, doctrinaires, etc. C'est réellement les éléments et la complexité de l'époque qui obligent l'international à se positionner, à s'inventer. Et c'est ces gens-là qui s'inventent eux-mêmes finalement. Ils sont pas venus dans l'obéissance d'une doctrine ou d'un meneur, ils sont venus pour réellement créer ce qui va être la première organisation de masse de la classe ouvrière, et qui a cette particularité unique de s'être créée sur des modes internationalistes, ce qui est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et avec toutes ces limites aussi, avec toutes ces incapacités, ces querelles, comme on va le voir tout de suite, qui fait que c'est pas une machine de guerre qui s'est mise en place tout de suite, c'est réellement une volonté de s'organiser et aussi de fournir à la classe ouvrière des éléments programmatiques. Alors, ces éléments programmatiques, est-ce qu'il faut ils sont d'une certaine façon très rudimentaires, et on peut dire que même ils vont être la source de beaucoup de méprise par la suite. Hein. La question de la paysannerie, notamment, c'est quelque chose qui est très vite schématisé entre respect de la petite propriété individuelle ou collectivisme, c'est-à-dire mais quel collectivisme. Les Anglais, par exemple, sont pour une forme de collectivisme, parce que de toute façon, leur classe paysanne, leur paysannerie a été anéantie, et la propriété terrienne, et aux mains de 0,5% de la population. La quasi-totalité de la terre anglaise est aux mains, et encore aujourd'hui, depuis le mouvement des enclosures, etc. Donc, pour eux, les Anglais, pas de souci, on peut décréter une collectivisation du sol, etc. en France où, avant et après avec la Révolution française, la terre a été plus morcelée, la question de la petite paysannerie, la petite propriété se pose d'une façon un peu plus sensible. En Espagne, c'est encore le système latifundiaire, etc. Donc, il y a un travers idéologique qui se fait jour déjà dans cette internationale, c'est de vouloir être trop programmatique, de vouloir tout ramasser à des idées générales et pas voir assez les conditions particulières, etc. Sauf chez certains, j'ai lu récemment un texte de Schwitz-Gebel sur effectivement la pratique à la base, en disant oui, même au sein des cantons suisses, on peut pas être les mêmes. Enfin, sans vouloir, il voulait pas se les poser, mais il disait pour pas qu'on ait l'hégémonie, par exemple, de Fribourg sur le canton du Jura, il faut que les choses se fassent par la base, de haut en bas, etc. Bon, bref. Je vais peut-être un peu accélérer. Il y a, évidemment, à ce mouvement social, un moment de frein, un moment de rupture, qui est la guerre. Et la guerre, on l'a vu aussi par la suite, la guerre, c'est le tombeau, c'est le naufrage systématique de toutes les idées internationalistes. Même quand un mouvement ouvrier puissant, comme on pouvait le croire à la veille de la guerre 14-18, en 10 jours, toutes les tendances deviennent, choisissent leur camp et deviennent, presque toutes les tendances, et deviennent des éléments d'union sacrée. Donc, c'est pas le cas en 70, lorsque se déclenche la guerre franco-prussienne. Il y a des appels, etc. Mais là, on voit que la puissance réelle, finalement, c'est un peu à la mesure, à l'aune de cet événement, qu'on voit la puissance réelle de l'international. C'est-à-dire que déjà, c'était élaboré des idées de grève générale contre la guerre, ce qui est un mot d'ordre récurrent. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que le mouvement ouvrier était épuisé par les grèves, ce qui fait qu'il n'avait pas de ressort non plus pour rebondir sur le. Donc il y a des contradictions en fait qui se font jour dans ce processus-là. Quoi. En tout cas, il y a des appels à finalement la solidarité internationale, à l'arrêt de la guerre, etc. Sauf qu'il y a évidemment la chute de l'Empire, le 4 septembre 1870, le retour des républicains, une effervescence en France mêlée de patriotisme, d'idées révolutionnaires, de volonté fédéraliste, enfin, quelque chose qui fait qu'il y a un bouillonnement incroyable en France, et légitimement, enfin, d'une certaine façon, je ne vais pas être taxé de patriote, mais légitimement, la France se sent agressée, puisque, ce qui n'est peut-être pas le cas du déclenchement de la guerre, mais en tout cas, par l'annexion et par finalement l'avancée prussienne. Donc il y a un bouillonnement comme ça, à la fois patriotique et par certains aspects révolutionnaires, qui amènera à la Commune de Paris, mais la Commune de Paris a eu comme prédécesseur deux tentatives quand même, à Lyon et à Marseille. Donc il y a réellement un climat comme ça qui est insurrectionnel, qui va donner, qui va amener une nouvelle donne finalement dans les débats et dans les positions de l'international. Alors je passe rapidement sur la Commune, mais bon, pour dire simplement que évidemment tous les internationaux, sauf deux ou trois, qui sont passés dans le camp de l'ordre, dont Tolin, dont Langlois, ce que j'appellerais des proudhoniens de droite finalement, des gens qui sont Vallès disait qu'ils ont troqué la blouse contre la redingote, qui était très proche de Proudhon, mais qui ont troqué la blouse contre la redingote et qui sont devenus, par effroi de la violence sociale, il y a des possibilités de violence sociale. C'est des gens qui ont un peu vu ce qu'était la répression de 1848, donc une aventure, l'aventure barricadière, la violence finalement, ça les a fait aller dans le camp de l'ordre, et finalement ça les a fait rompre avec leurs anciens compagnons, camarades de l'international. Donc, à part ces figures-là, la plupart des internationaux se retrouvent évidemment dans et les idées et le mouvement de la Commune. et Varlin, Frankel, qui se retrouve à la commission du travail et qui est un Hongrois, donc il y a un peu cet aspect internationaliste au sein de la Commune de Paris, il y a des débats là-dessus, et mais par contre, l'international n'agit d'aucune manière sur la mise en œuvre de la Commune, ni sur les débats. Frankel écrit à Marx en disant « Donnez-nous des idées, finalement, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais la seule disposition sociale, réellement, qui est prise à ce moment-là, c'est d'abolir le travail de nuit pour... c'est pas la seule, mais en tout cas, une des plus fortes, c'est d'abolir le travail de nuit pour les boulangers, ce qui peut nous paraître un peu curieux, mais qui correspond pas à une... qui correspond pas, encore une fois, à un mot d'ordre des penseurs socialistes, mais qui correspond à une revendication des apprentis boulangers, de la fédération des boulangers parisiens, qui disaient qu'il fallait quand même agir sur le travail de nuit qui était trop contraignant pour eux, quoi. Donc, il y a finalement, les internationaux se trouvent à la remorque à ce moment-là de cette insurrection et même de tous ces. Bon, il y a des débats où on voit les positions des uns et des autres, etc. Passons rapidement sur la Commune, parce que c'est en soi un continent. Pour dire en quoi la Commune et sa répression, surtout, a finalement cristallisé les choses dans la deuxième période de l'histoire de l'international, où il y a une crainte évidente de répression au sein de l'AIT, de répression de tous ces éléments. Et la possibilité de circulation, qui n'était pas évidente, mais est encore plus restreinte pour les Français notamment et pour les Allemands. C'est-à-dire que là, pour le coup, le mouvement ouvrier est caput, hein, en France. Il peut continuer que sur des modes de paternalisme, hein, finalement. Oui, on tolère encore les coopératives à condition qu'elles ne se mêlent pas de politique, en gros. Et par contre, oui, en Allemagne, les socialistes et le mouvement ouvrier sont obligés de plus en plus... ils sont réprimés, ils sont enfermés, etc. Et ils doivent de plus en plus s'orienter vers une voie politique très, très légale, quoi. Y a évidemment une situation en Espagne, en Italie, etc., où le mouvement ouvrier est extrêmement surveillé, et mis sous surveillance et pourchassé, etc. Ce qui n'est pas sans influence sur Londres, où se retrouve la majorité des proscrits communards, hein, de la Commune, ni sur la Suisse, où se retrouve aussi une partie des proscrits de la Commune. C'est-à-dire qu'on va avoir deux tendances, finalement, à Genève et dans le Jura suisse, et à Londres, qui vont un peu être les deux lieux d'opposition. Faut pas le résumer géographiquement, en tout cas, parce qu'on a tendance à résumer aussi les pays du Nord industrialisés, les pays latins plus portés sur la plèbe, comme en parle souvent Bakounine, d'ailleurs, hein, le peuple, plus que le prolétariat, finalement. Et de l'autre côté, une vision, finalement, de scientifique, pseudo-scientifique, du prolétariat et de ses modes d'organisation. Donc ça, c'est un peu schématique. C'est pas ce qui se pose pose immédiatement à l'AIT, c'est de savoir comment continuer, sur quelle base, sur quel principe, etc. Et voilà, à un moment où finalement les trade unions anglais prennent peur par rapport à la sauvagerie de la répression de la Commune et aux légendes qui sont encore portées sur les communards. Ils prennent peur et au départ, après avoir soutenu le texte de Marx sur la guerre civile en France, les dirigeants qui ont parti lié avec Gladstone à l'époque, avec le Premier ministre, etc., et qui finalement sont dans une optique purement opportuniste, vont se séparer, vont lâcher finalement la laïcité. Ce qui fait qu'à Londres, on se retrouve un noyau de gens, des blanquistes, qui, eux, voient un intérêt immédiat dans la prise du bureau central de l'international, c'est-à-dire s'en servir comme instrument de propagande et de gouvernement révolutionnaire. Des blanquistes avec qui Marx, finalement, pactise à ce moment-là. Et de l'autre côté, des fédérations qui continuent un travail d'organisation, hein, notamment en Belgique, en Hollande, au Danemark, dans les pays méditerranéens, etc., qui continuent ce que faisait l'international jusqu'à présent, qui ne s'arrêtent pas, qui ont évidemment la commune au cœur, je dirais, hein, et notamment les Espagnols, puisqu'ils sont immédiatement la fédération régionale ibérique espagnole prend fait et cause pour la commune, hein, et d'une façon très virulente, très radicale, les Italiens aussi, etc. Donc tous ces gens-là souhaitent continuer ce qui avait lieu avant, avec en plus ce sursaut de revanche, mais c'est pas la revanche qui les anime, mais c'est en tout cas cette volonté de porter haut, encore plus haut, la cause, hein, du prolétariat qui a été malmené par la répression de la commune, etc. Et voilà, il va se créer ce blocage-là, parce que c'est sans doute lié... alors, je vais le résumer d'une façon un peu bizarre, on va dire. C'est lié sans doute à la communication, aux possibilités de communication de l'époque. Hein. Faut voir, c'est le début du télégraphe, du chemin de fer, du bateau à vapeur, hein. Enfin, c'est pas très vieux tout ça. Et bon, évidemment, il y a la presse, quoi. Il y a la poste, hein, il y a déjà la poste et la presse. Je ne vais pas dire que Internet peut tout régler, mais je veux dire, il y a cette façon dont les camps se crispent aussi, parce que le temps, voilà, la temporalité fait que les débats sont moins possibles, les rumeurs travaillent plus. Une phrase de Marx là-dessus qui dit finalement, même qui pense que le niveau de communication est le plus haut, et c'est d'ailleurs le plus haut jamais connu dans l'histoire, mais il dit finalement les journaux font plus en rumeurs, etc., que au temps de l'Empire romain, quoi, finalement. On est encore plus sujet à toutes sortes de... Alors, est-ce qu'il n'y a pas participé lui-même, hein, je ne veux pas le dédouaner, c'est pas le propos, mais en tout cas, voilà, il y a évidemment une cristallisation, une polarisation qui va se faire au sein de l'international entre ces deux grandes figures, Marx, Bakounine. Alors vous étonnez peut-être que j'en ai pas parlé avant, hein, mais finalement, est-ce que c'est ça qui est si important dans l'histoire de l'international? Est-ce que c'est pas l'expérience réelle de la classe ouvrière plutôt que le conflit de grandes figures, même si les éléments du conflit sont importants, c'est la question de l'État. Mais est-ce que c'est la question de l'État qui est centrale dans le conflit de Marx-Bakounine? C'est pas sûr. C'est des histoires beaucoup moins, un peu plus obscures à mon sens, de rivalité, de pratique politique aussi. Il y a un soupçon dès le début qui pèse sur Bakounine de vouloir. Bakounine, pour résumer, il entre, il claque la porte du Congrès de la paix, et il entre à l'international en constituant une alliance de la démocratie socialiste qui, dans un premier temps, est considérée comme une internationale bis. C'est-à-dire, c'est quoi cette alliance? Elle a son propre programme, elle a son propre réseau international, qu'elle existe indépendamment de l'international, mais qu'elle ne vienne pas dans l'international, puisque, en gros, c'est la position pas simplement de Marx, mais aussi des Belges, etc., en disant... C'est un programme parasite, enfin, même si on est d'accord sur le fond, c'est pas un programme. Il y a déjà l'international, pourquoi venir avec un État dans l'État? Donc c'est le soupçon qui pèse d'abord. Et Bakounine le comprend très bien. Contrairement à un autre Suisse qui est plutôt de la droite, avec qui il s'allie à l'époque, qui est Becker, et qui est plutôt un copain de Marx de l'époque de la Ligue des communistes, qui lui dit non, il nous refuse, l'alliance, on va lutter contre le Conseil général, etc. Et finalement, Bakounine lui dit non, ils ont raison, on va former une alliance circonscrite à Genève, qui va agir comme une section finalement de l'international. Peut-être plus généralement préciser que l'international est constitué de groupes ouvriers, de sections qui correspondent soit à on va dire un groupe affinitaire, une bibliothèque, mettons, peut s'affilier. À l'international et aussi à des groupes de coalition ouvrière, à des groupes d'ouvriers organisés un syndicat de grève, etc. Tout ça peut constituer des sections ouvrières. Alors, déjà à l'époque, la volonté, c'est de créer des sections, créer des fédérations, etc., qui est une forme de pyramide comme ça, organisationnelle. Mais en gros, il y a une forme assez hétérogène d'adhésion à cette internationale-là. Donc l'Alliance, au titre l'Alliance de Genève, au même titre qu'un groupe d'ouvriers marseillais, mettons, que le syndicat des boulangers marseillais, peut adhérer à... Enfin, il n'y a rien qui s'oppose à l'adhésion d'un groupe constitué. Il y a une petite condition, c'est qu'il n'y ait pas une coloration religieuse... mais c'est par souci de ne pas opposer les religions, que la religion ne s'impose pas comme un principe, etc. Et que ce soit des ouvriers. Alors il y a une tendance aussi que ce soit exclusivement, presque exclusivement, des ouvriers, même si on tolère finalement quelques intellectuels, comme c'est le cas de Bakounine. Des paysans, il n'y en avait pas. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives dans les Ardennes, mais non. Et après, chez les Espagnols, chez les ouvriers agricoles andalous, bien sûr. Mais c'est évidemment une des lacunes. Et c'est sans doute pour ça ce qui va donner lieu à toute une littérature chez les anarchistes d'appel aux paysans, hein, chez Recu, Malatesta, etc., pour dire... parce que le traumatisme de la commune, c'est aussi ça, d'avoir opposé les ouvriers, les hordes rurales devenues massacrer les ouvriers, etc. Voilà. Alors je fais peut-être un peu trop long, un peu trop... c'est une histoire foisonnante qui est toujours un peu dure à ramener à quelques éléments, mais... Est-ce que vous avez des questions peut-être? On va passer aux questions qui permettraient peut-être d'orienter ou de faire que... Bah, merci pour cette présentation parce que c'est une page... J'ai pas conclu. Hein, mais... ouais, c'est une page ancienne qu'on connaît pas forcément bien. Et donc d'où l'utilité de ton ouvrage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Est-ce que tu as déjà répondu en même temps? Il y avait... Donc voilà ce qui se passe. Ce qui se passe après la commune, par exemple, c'est que voilà, la loi du fort, c'est une loi de proscription des membres de l'international, c'est-à-dire que et qui va perdurer dans les faits pas réellement, mais en tout cas qui va interdire toute affiliation de fait à des organisations internationales jusqu'à la loi des associations 1901 finalement. Ça marque un coup d'arrêt de cette aspiration, de ce mouvement-là, etc. Et évidemment, là-dessus, la guerre va ramener les choses à des considérations nationales. C'est pas un hasard si, évidemment, avec la perte de la Lorraine, etc., si une décennie, deux décennies plus tard, mais réellement le nationalisme, il y a toujours eu, mais le mot même, nationalisme, on parlait avant de chauvinisme, de patriotisme, le patriotisme avait presque une coloration positive, mais le mot nationalisme en tant que idéologie politique, voilà, c'est des roulets, la Ligue des Patriotes, donc c'est pas un hasard si... la répression de la commune marque ce coup d'arrêt international. Alors, en faisant une histoire un peu avec des jumelles, on pourrait dire qu'effectivement, il y a quelque chose de charnière dans cette guerre franco-prussienne et dans cet échec de l'international, échec interne et échec externe, échec dans sa dislocation. Qui est finalement, oui, et c'est peut-être une tautologie de le dire, parce que l'histoire est toujours issue d'un processus, etc., mais qu'on voit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui annonce pas encore tous les massacres et tout, qui annonce déjà tous les massacres du XXe siècle, quoi, du nationalisme évidemment, du siècle, l'un des siècles les plus destructeurs. Les connus jusqu'à présent. Donc ceux qui, du côté de l'ordre, on appelait ça l'international, mais eux-mêmes, ils s'appelaient Association Internationale des Travailleurs, ou c'est arrivé plus tard? Et puis à quel moment on a décidé que ça s'appelait la première, je suppose, quand la deuxième est arrivée? Oui, alors c'est le terme, c'est l'Association Internationale des Travailleurs, mais c'est l'international qui est le mot en vigueur dans les échanges et dans les rapports, etc. une lettre à l'international, Virginie Bardel. Ah tiens, oui. Après, la première internationale, c'est évidemment un terme un peu usurpé, parce que ça serait considéré que, qu'à cette internationale-là est succédé logiquement la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et demie, la sixième et demie, enfin, je sais pas où j'en ai. La situationniste. Ah oui. Et il y a une filiation évidente. Il y a une filiation entre, puisqu'on trouve des protagonistes de la première dans la seconde, mais la seconde, elle s'appelle pas la seconde internationale, elle s'appelle l'internationale ouvrière. Après, la troisième, est-ce qu'elle s'appelle vraiment la troisième? Est-ce que c'est l'historien? Est-ce que c'est une captation des marxistes? Le MD dit que c'est une captation marxiste, par exemple, d'une certaine façon. Après, c'est une commodité. C'est évidemment, ce sont des internationales qui, d'une certaine manière, toutes sont légitimes dans la représentation du mouvement ouvrier, même si la troisième, c'est celle de l'hégémonie du marxisme russe et puis pour par la suite du stalinisme sur le mouvement ouvrier international. Mais à ce moment-là, il existe d'autres internationales, puisqu'en 1924, est créée une autre association internationale des travailleurs. Il y a des internationales dans tous les sens. Et la seconde internationale perdure, elle se fracasse évidemment en 14, mais elle se reconstitue par la suite. Elle existe encore aujourd'hui. Hein. Ouais. On y trouve des gens très bien dans cette seconde internationale. Enfin, dans l'ITA d'aujourd'hui ? Non, l'internationale socialiste. Ah oui. Et on y trouve Ségolène Royal, on a trouvé. Il y avait Ben Ali, il y avait Moubarak. Oui, oui, il y avait exact ça. Ben Ali. Oui, oui. Il y avait le Destour, c'est ça le parti tunisien, je crois. Ouais, Néo-Destour, il en faisait partie. Quelques. Hein? Oui, oui. Omar Bongo de Gabon. Laurent Bagbo. Ah, Bagbo, oui. Oui, et puis même le ministre de l'Intérieur qui a réprimé les manifestations étudiantes en 68 à Mexico était à ce moment-là président de l'Internationale socialiste. Ah, oui. Ça donne une idée un peu du l'internationalisme, de ce qui est devenu l'internationalisme de ce côté-là, quoi, en tout cas. Voilà. Moi, je veux pas vous inonder de faits, de développement, etc. Je dirais... Pour conclure, moi, ce qui m'a... Alors, évidemment, j'ai un peu mis de côté l'histoire de Bakounine, etc. Et après la Commune, se créent encore des choses, des ramifications. Et c'est vrai qu'à la fin des années 1880, les pratiques... Il y a toujours des pratiques internationales. Ça va donner sûrement des figures de militants ouvriers itinérants, mais qui n'ont plus aucune connexion avec un réseau, ou qui créent leur réseau eux-mêmes. C'est presque... Notamment en Amérique latine, ceux qui vont créer les premiers mouvements... ouvriers en Argentine, en Uruguay, sont un peu des vagabonds, quoi. C'est, ou les hobos, ça va donner un peu les hobos aux États-Unis, les oublis, pardon, aux États-Unis par la suite. C'est-à-dire que la fibre, finalement la foi, ou l'internationaliste va perdurer, mais sans organisation, sans tentative d'organisation. Parce que l'ère des congrès aussi a finalement... saturer tout le monde, hein. Jusqu'à la seconde internationale, les anarchistes, y compris les anarchistes Malatesta ou etc., essaient de venir dans les congrès socialistes, les congrès ouvriers, mais c'est pour finalement confronter toujours les mêmes histoires, c'est État, pas État, parti, pas parti, et puis bon, alors le syndicalisme révolutionnaire, évidemment, va apporter une nouvelle force, une nouvelle dimension, etc. Là aussi, on peut schématiquement déplorer qu'il n'ait pas pu, on ne sait pas faire d'histoire alternative, on m'a toujours dit ça, mais en tout cas, sa dimension internationale n'ait pas été plus possible même, tout simplement. Voilà. Alors, il y a parmi c'est les francs-tireurs, finalement, ou les francs-tireurs, c'est encore des gens organisés, hein, c'est pas quelqu'un complètement isolé. Il y a quelqu'un comme Carlo Caffiero qui est... un jeune Italien qui, au moment, juste avant la Commune, rencontre Marx, il a du soutien, la Commune de Paris n'est pas encore réprimée, mais il voit des manifestations de 30 000 ouvriers anglais à Londres, il rencontre le bureau, les gens du bureau de Londres, dans le Marx Engels, et il décide de devenir, plutôt que diplomate, comme son milieu social d'origine le prédestinait, il décide de devenir internationaliste. Et donc il retourne en Italie, et en Italie, à Naples, il trouve un vivier de gens qui sont plutôt des amis de Bakounine, puisque Bakounine a séjourné à Naples, il est même sans doute un des premiers instigateurs du mouvement socialiste italien. Il se trouve bien parmi la compagnie de ces gens-là, et d'autant plus que Engels, le TAN, qui est devenu à ce moment-là, sans d'ailleurs sans mandat légitime peut-être, ça serait une question à poser, mais qui est devenu à ce moment-là le molosse de Marx et qui traque les bakouninistes partout où il croit en trouver, il dit à Cafiero, fais ton travail d'agent internationaliste et dénonce l'influence de Bakounine. Alors fasciné évidemment par ce qui est interdit, Cafiero va à la rencontre de Bakounine et devient un des intimes à l'époque, hein, c'était de la fraternité que Bakounine a créée autour de lui, que certains qualifient de société secrète, mais en tout cas qui est une fraternité telle que, on sait peu de choses finalement, mais qui est une fraternité avant d'être finalement une société secrète comme on les imagine, notamment parmi les blanquistes où il faut, jurer sur un poignard, ou je sais pas quoi. Les carbonari, etc. Ou même les blanquistes qui sont eux, pour le coup, organisés de façon assez militaire. À l'époque, ils étaient clandestins, parce qu'ils disent. Et donc, ouais, voilà. Donc, Cafiero devient un des premiers bakouninistes. C'est pas un joli mot, mais c'est un des mots employés à l'époque. Et un insurrectionnaliste italien. Qui rompt avec avec la politique finalement, parce que ça n'intéresse pas les congrès, les blabla. Il est sur les positions intégrales et insurrectionnaliste. Il faut mener la révolution, etc. Il faut mener l'insurrection. Donc il fait une tentative d'insurrection dans les monts du Bénévent au nord de Naples, pensant que pour le coup les paysans, hein, il s'adresse aux paysans. C'est un des premiers focaux dans ce sens-là. Révolutionnaire, pensant que les paysans allaient se saisir des armes, etc. Sauf que les paysans de ce point-là avaient subi une répression assez féroce 15 ans auparavant, et voyant arriver une trentaine d'internationalistes pleins de bonnes intentions, mais assez mal armés et assez peu convaincants, dans des conditions hivernales assez dures, on dit bon, vous êtes gentils, mais non. pour le coup, ils se retrouvent encerclés par 12 000 hommes. Hein, sur 10 000 carabiniers et soldats. Il va passer un an en prison, et pour occuper son temps carcéral, James Guillaume lui fournit la première traduction du livre 1 du Capital en français, et il décide d'en faire un résumé populaire, pensant que malgré le conflit, malgré le clivage, l'opposition très terrible, hein, à l'époque, hein, quand même. On avait exclu Bakounine de l'international, c'était pas rien, parce que je l'ai pas évoqué, mais je pense que quand même les gens le savent, plus ou moins. Mais Marx avait fait exclure Bakounine de l'international, donc tous les partisans de Bakounine étaient évidemment considéraient Marx comme un autoritaire, un communiste autoritaire, un communiste d'État, etc. Mais sur l'aspect, et ce qu'avait dit d'ailleurs Bakounine à l'époque, ce qu'avait reconnu d'ailleurs Bakounine à la parution du livre 1 de Marx, mais sur l'aspect de la critique ou de l'analyse de l'économie politique et du mode de production capitaliste, il fallait s'en saisir, car il y avait des potentialités d'une arme de guerre, finalement, pour les ouvriers. Donc il traduit en italien, hein, au début, ce livre 1 du Capital, et il en résume les chapitres assez fidèlement, un peu parfois peut-être un peu naïvement, mais très dans l'esprit de ce que voulait aussi bien Marx, hein, qui disait que l'important c'est aussi que les ouvriers puissent se servir d'une telle étude et d'un tel essai, mais qui dans sa première mouture est très scientifique, enfin a beaucoup d'aspects baroques parfois. Mais donc voilà, c'est une curiosité de cette époque-là, de ces conflits, de ce qui est des tendances qui se sont mises en opposition, mais qui finalement se rejoignait sur l'analyse de la critique du mode de production capitaliste, et ça, ce livre-là a été le témoignage. Pour la petite histoire, après, il a été traduit en français, il est revenu, il s'est servi de la traduction française, il est revenu en français en 1910 grâce à James Guillaume, et depuis, il avait été un peu oublié, même des rayons et marxistes et anarchistes. Il avait été republié en brochure par Laura en les années 70. Et on s'en est emparé. Et c'est un succès puisqu'il y a une réédition. Et c'est la troisième édition. Enfin, c'est une réédition avec un nouvel avant-propos. Voilà. Donc, voilà, sur ces aspects-là, je ne sais pas si vous voulez encore. Est-ce que vous avez des éléments de précision ? Des questions ? Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être. Pas mal. Je vous ai... Et après, moi j'avais noté les questions, mais tu as répondu après que j'ai noté. Alors peut-être un peu sur comment ouais, tu as parlé du temps que les gens mettaient pour se rencontrer. Donc ils faisaient souvent des réunions. Comment elles étaient annoncées, qui décidait qu'il y aurait une réunion entre des Espagnols, des Italiens, des Allemands, et qui devait mettre quand même des semaines pour arriver à destination, quoi. Alors, parce qu'il y a les congrès, il y a des congrès qui sont connus, mais entre-temps, est-ce qu'il y avait des autres réunions ? Les congrès sont les moments de décision, en fait. C'est les moments où il y a un vote, ils se mettent d'accord sur les rapports, ils mettent au vote à la majorité absolue les questions, quoi, qui ont été élaborées depuis un an, enfin chaque année, enfin finalement, voilà, les congrès, il y en a eu six, donc plus une conférence quasi privée dans la maison de Marx en septembre 61. Mais donc ces congrès devaient être les moments démocratiques, en fait, de l'international, où se prenaient les décisions et les orientations de l'association. Mais chaque section, chaque fédération organisait comme bon leur lui semble ces réunions. Voilà. Donc il y a eu des congrès un peu avant la guerre de 70, à Lyon notamment, il y a eu un grand congrès auquel devait participer Bakounine, mais il a été excusé, où il devait mettre en garde justement les ouvriers contre la tentation politicienne. Ça c'était déjà en 69, ouais, ou fin 69. Donc il y a eu des. Et c'est un des seuls grands congrès français, en fait, sur le territoire français de l'international. Mm-hmm. Mais après il y avait des congrès, alors les Espagnols ont continué les congrès de manière clandestine, etc. Il faut voir aussi, je précise, hein, puisqu'on est dans les locaux du Centre international de recherche sur l'anarchisme, que. La seule filiation quasi directe de cette première internationale, ça a été l'anarcho-syndicalisme espagnol. Entre la fédération ibérique espagnole et la CNT, la création de la CNT, il y a des protagonistes communs, hein, Lorenzo, Anselmo Lorenzo, etc. On fait partie des deux, finalement. Donc il y a des gens qui ont créé la CNT, chez Bakounine, donc ils connaissent des gens qui ont approché Bakounine, enfin, et qui sont issus, mais qui sont issus, c'est ça, c'est intéressant de noter, d'un malentendu, parce qu'ils ont adhéré à l'international, sur le programme de Bakounine, qui leur a été présenté par un ami de Bakounine, Fanelli, qui s'est un peu mélangé les pinceaux. Et on n'a jamais su trop pourquoi, il y a un document qui a disparu, où il explique à l'Alliance Suisse de Genève, qu'il a donc créé à Madrid la première section de la Fédération de l'International Espagnole, mais qui leur a présenté les statuts de l'alliance de Bakounine, qui ne dit pas exactement la même chose. Il n'y a pas un problème de langue aussi, parce qu'il parlait... D'après la littérature, on dit qu'il parlait espagnol et les autres italiens, alors même si c'est des langues proches, il y a peut-être des moments où... Non, je crois que réellement, on ne sait pas pourquoi il l'a fait, si c'est volontaire. Les historiens sont... Enfin, moi, je ne saurais pas trancher, mais... Il y a très peu de témoignages, mais même dans tous les récits par la suite, on dit qu'il a confondu les programmes. Ce qui fait que quand les Espagnols se font traiter par Engels d'alliancistes, ils ont dit « comment non, si ?» Ils étaient fiers de l'être et ils adhéraient finalement à ce programme-là, sans rejeter ce qu'était le programme global, de les statuts globaux, enfin les statuts de l'international. Mais c'est cet aspect-là, c'est sur cet aspect-là qu'ils ont adhéré. Alors ça donne une curiosité. Alors, et même quand la tendance, quand la Farge a voulu mettre un peu d'ordre là-dedans, qui était gendre de Marx, et qui s'est retrouvé en Espagne juste après la Commune, et a voulu créer un petit noyau qui voilà, se débarrasserait de l'influence de Bakounine, ce noyau est devenu ultra-minoritaire très rapidement. Ce qui crée là, cette singularité, cette spécificité espagnole qui va durer, enfin qui est jusqu'à la guerre civile. Quoi. Donc voilà, s'il y a vraiment une continuation de l'esprit de cet international qui se voulait réellement un moment d'auto-organisation à la base, etc., du mouvement ouvrier, ça c'est sans doute plus dans le mouvement espagnol qu'il faut la chercher que dans l'organisation en partie qui finalement devient... dans la social-démocratie un jeu complètement avalé, hein, une domestication presque du mouvement ouvrier par ses représentants qui sont souvent les bourgeois, etc. Donc la singularité peut-être de l'international, ça se retrouve en plus dans l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire. Enfin, je ne sais pas si ça peut servir de conclusion, ou en tout cas de... Après, oui, non, à un moment, tu avais parlé de schématisme géographique, mais c'est quand même un peu la réalité. Ce qui s'est passé dans les organisations syndicales des pays latins était plus anti-autoritaire, plus pour l'organisation à la base, et les organisations syndicales des pays anglo-saxons et germaniques étaient quand même plus tendance proche des partis, non? Oui, alors... C'est pas vrai, parce que ça aussi, on l'a lu... Alors, est-ce que dans pas mal de bouquins, quoi. Est-ce qu'il y a des situations de capitalisme industriel ultra concentré, la réponse plus centraliste, politique, etc., s'impose? C'est pas évident, parce que, par exemple, la Catalogne était une des régions les plus industrielles aussi, une région très industrielle à l'époque, et ça a été une terre de développement des idées narco-syndicalistes. Après, l'opposition latin nordique, oui. Je pense qu'il y a il y a certainement des raisons linguistiques aussi. C'est-à-dire que la pensée, par exemple, d'un Proudhon et par la suite de ses émules, et puis par la suite de Bakounine, etc., par le côté slave et latin, oui, c'est slave et latin. Ça a circulé d'une autre manière que la pensée. Germanique, quoi, on va dire, pour résumer. Donc évidemment, il y a cette question de la langue qui n'est pas négligeable, où à un moment, on sent bien dans des congrès, quand les participants sont majoritairement francophones, c'est les tendances mutualistes, les premiers congrès, c'est les tendances, etc. Et il y a eu ce jeu, hein, c'est-à-dire que à partir du congrès de Bâle, où c'est un congrès, pourtant, où la ligne politique était collectiviste dure, mais par exemple, il y a ce truc sur la question de la suppression de l'héritage, l'abolition de l'héritage, qui était, je ne sais pas trop pourquoi, une espèce de préoccupation, qui était un enjeu politique pour Bakounine, et finalement, à l'inverse, Marx voulait le freiner et dire non, on ne va pas l'abolir comme ça, etc., qui était déjà annoncé dans le débat, cette opposition-là. On a vu réellement qu'il se créait une opposition entre latin et germanophone. Voilà. Mais bon, ça résume pas tout, je pense. Mais non. C'est un des éléments de compréhension. Après, il faut voir aussi, c'est une histoire circonscrite à l'Europe, hein, et peut-être par manque de temps, etc., mais qui n'a pas pu... Enfin, qui a eu d'autres... D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer la discussion autour d'un verre. Donc, on remercie Matteo d'être venu nous voir. Je rappelle qu'il a les deux ouvrages. Là, vous pouvez. Bon, là, il y a un choix de bouquins de la librairie du CIRA qui concerne l'international, la commune, enfin, beaucoup plus large, les débuts du syndicalisme. Bon, on va faire plus simple. Je vais m'occuper des bouquins, puis je te les règle après. Et puis après, on verra ce qu'on garde. Voilà, donc la nouvelle version de l'abrégé du Capital avec une belle couverture. Alors, avant c'était rouge et noir, vous remarquez, c'est devenu tout noir, hein, quasiment. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et le livre sur l'histoire de la Première Internationale paru chez La Fabrique.